الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى النقطة رقم 100 من شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، بشرح الدكتور الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق وأضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. Et sache que ce qui a conduit les Jahmites, les Jahmiya, à leur perte est qu'ils ont cherché à méditer sur Allah et ont introduit comme parole pourquoi et comment. Ils ont délaissé les récits, apposé le raisonnement par analogie et ont mesuré la religion avec leurs opinions personnelles. Ils ont ainsi apporté la mécréance et ont ainsi mécru et ont rendu mécréants les autres. Et les choses se sont resserrées sur eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à la négation totale des noms et des attributs. Le charh, explication de ces paroles. Il dit l'allama al-Fawzan, hafidhahullah, qawluhu, wa'alam annahu innama ja'a halakul jahmiyyati annahum fakkaru fil rabbi azza wa jal. Et sache que ce qui a conduit le Jahmiya à leur perte est qu'ils ont cherché à méditer sur Allah. Il dit As-sabab alladhi ja'ala al-Jahmiya dallu hadha ad-dalal al-ba'id annahum tadakhkhalu fi sha'n ar-Rabb. Pourquoi donc le Jahmiya s'est égaré à propos des noms et des attributs d'Allah, entre autres? À cause tadakhkhalu fi sha'n ar-Rabb. Ils se sont rentrés dans des choses que Allah il leur a pas demandé de rentrer dans ce domaine-là. Saru yabhathuna fi. Ils se sont mis à faire des recherches dans des domaines. Tu ne trouveras pas de réponse. فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْحَثَ فِي شَأْنِ الرَّبِّ بَلْ عَلَيْهَ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَأَوْصَافِهِ وَلَا يَتَدَخَّلُ فِي الْكَيْفِيَّةِ. Dit la fonction du musulman, c'est pas de chercher comment ils sont les attributs d'Allah. Comment ils sont les attributs d'Allah. Mais il doit croire fermement à ce qu'Allah, les informations qu'Allah lui a données dans le Coran ou le prophète dans la Sunna. Il doit y croire fermement, d'une manière certaine, et ne pas chercher le comment de ses noms et de ses attributs. Allah Jalla wa Ala la ya'lamu zatahu wa kayfiyyata. Kayfiyyata sahihu, il y a une dhamma sur le ta, c'est une fatha. Wa kayfiyyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanah. Il connaît la réalité d'Allah, son essence, comment Allah il est, ses noms et ses attributs, que lui. Qala ta'ala ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Allah dit dans le Coran, dans la sourate numéro 20, sourate Taha, le verset numéro 110, il connaît ce qui est devant eux, ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. فَلَا أَحَدَ يُحِيطُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. Il n'y a personne qui cerne Allah, et Allah connaît mieux lui-même, أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ Wabi Ghairi, et il connaît mieux autrui. Hein? Autrui, c'est les créatures, c'est lui qui les a créées, donc il les connaît mieux que les propres créatures ne connaissent leur propre personne. فَنَحْنُ لَا نَتَكَلَّمُ فِي شَأْنِ اللَّهِ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيلِ أَوْ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيلِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ. Donc il dit, à propos d'Allah subhanah, il ne faut en parler, on ne peut en parler, Ahl al-Sunnah, il se limite à ce qu'il y a dans le Coran et la Sunnah, pas plus. Ce qu'Allah nous a informé, ce que le messager nous a informé d'une manière authentique, on le dit. Ce à propos de quoi ils ne nous ont pas informé, on se tait. On atawaqqafu amma lam yarid. Les choses sur lesquelles il n'y a pas de texte, on se tait, on ne se prononce pas. Al-Jahmiyyatu ankaru al-Qur'ana was-Sunnata wa tadakhkhalu bi'uqulihim. Al-Jahmiyya, donc cette secte-là qui est apparue à l'époque, ils ont réprouvé le Coran, ils ont réprouvé la Sunna et se sont mis à parler sur Allah à travers leur raison, ce que eux ils pensent. في شأن الله سبحانه وتعالى حتى قالوا إنه لا داخل العالم العالم ولا خارج العالم. Ils ont dit Allah il est pas dans l'univers, Allah il est pas en dehors de l'univers. ولا فوق ولا تحت. Il est pas en haut, il est pas en bas. ولا يمنة ولا يسرى. Il est pas à droite, il est pas à gauche. Idan, yakunu ma'douman. Donc, s'il n'est pas dans l'univers, pas en dehors de l'univers, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche. Donc, il est inexistant. Ta'ala Allahu amma yaqulun. قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة. Ils disent, Allah il n'a pas de oui, il n'a pas de vue, il n'a pas de science, il n'a pas de volonté. Abdullah, tu peux nous expliquer pourquoi il y a... Par rapport à takrir Allah, tu sais, la nafi al jins. Lakin limada sam' wa basar bi tanwin wa ilm. Tu peux faire le wajhin. Ouais, tu peux faire soit fatha fatha ou damma fatha, tu peux mélanger même. Plusieurs règles là. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Idan yakunu jamadan. Puisqu'Allah il n'est pas dans l'alam, il n'est pas dehors de l'alam, il n'est pas kada, donc il est inexistant. Et si vous dites qu'il n'a pas de oui, il n'a pas de vue, il n'a pas de science, il n'a pas de volonté, donc il est jamad. Il est jamad, c'est-à-dire que c'est quelque chose de solide, si tu veux. Hein, il y a sa'il et le jamad. Sa'il, c'est ce qui est liquide, et le jamad, c'est ce qui est solide. لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء يكون مثل الأصنام ولا الأصنام مثلا les statues c'est quelque chose qui est solide, c'est pas liquide, c'est quelque chose qui est solide. Inerte. قال c'est comme les statues, hein, les statues elle a ni oui ni science ni vue, elle a rien. طيب تعالى الله عن ذلك. قوله وقاس الدين على رأيهم. قاسوا الضمير دائما يرجع إلى الجهمية. الشيخ يتكلم عن الجهمية. قاسوا الدين على رأيهم أي قاست الجهمية الدين على رأيهم. Donc ils ont mesuré la religion avec leurs opinions personnelles. Ils ont mesuré la religion avec leurs opinions personnelles. اتبعوا القياس الباطل. قاسوا الله في خلقه. Donc ils ont suivi l'analogie que eux ils pensent. Qu'est-ce qu'eux ils pensent avec leur raison, avec leur idéologie, leur vision. قَاسُوا اللَّهَ بِخَلْقِهِ. Ils ont mesuré Allah sur sa créature. فَنَفَوْا أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ. Donc ils ont réprouvé ou renié les noms d'Allah et ses attributs. لِأَنَّهَا عِنْدَهُمْ تَقْتَضِ التَّشْبِهِ. Pourquoi ? Ils ont dit, si on dit qu'Allah il est سَمِيع, بَصِير, عَلِيم, كَذَا, qu'Allah il voit, qu'Allah il entend, qu'Allah kada, ça veut dire il ressemble à sa créature. Parce que la créature, elle voit, elle entend, etc. Tartari, ça engendre. Ça engendre tashbih. Si tu dis qu'il a, oui, il a la vue, il a ceci, cela, ça engendre qu'il ressemble à la créature. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ خَاصَّةٌ بِهِ سُبْحَانَهُ. Ils n'ont pas fait la distinction comme quoi Allah, il a les mêmes noms, les mêmes attributs, si tu veux, que beaucoup de créatures. Mais que ses noms et ses attributs sont spécifiques à lui. Le comment de ses noms et de ses attributs, c'est spécifique à lui. C'est des noms et des attributs qui sont parfaits. طيب. وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم. Et que les créatures, elles ont des noms et elles ont des attributs. Elles voient, elles entendent, mais c'est pas pareil. Elles n'entendent pas à la perfection comme Allah. Elles voient pas à la perfection comme Allah. La vue et l'ouïe de l'être humain, elle est limitée, elle est faible. De l'être humain ou des animaux, etc. ولا تشابه بين هذا وهذا فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء. Une fatha sur le hamza, c'est pas une kasra. والصفات. الصفات مكسور. Parce que c'est جمع مؤنث سالم. Donc c'est juste. التي للمخلوقين. Donc il dit que Allah il a son essence à lui. Et les créatures, elles ont leur essence, elles ont leur propre personne. Allah, il a des noms, et les créatures, elles ont des noms. Allah, il a des attributs, les créatures, elles ont des attributs, mais il n'y a pas de ressemblance entre ceci et cela. من أخذ هذا استراحة وصار على الجادة الصحيحة. Il dit, celui qui prend cette règle-là, comme quoi Allah, il a des noms et des attributs, qui sont spécifiques à lui, qui sont à la perfection, qui sont conformément à la perfection, au caractère parfait d'Allah, pareil. Il va savoir donc que les créatures, elles ont des noms, elles ont des attributs, mais qui sont conformes à leur faiblesse et à leur essence à eux. Donc il dit, celui qui prend cette règle-là, istaraha. Istaraha, ça vient de raha. Il va se reposer. Il va plus avoir tout le temps des doutes ou des insufflations où il va être perturbé. Wasara al-jadda. Sara min al-sayr. Sara avec sin. C'est pas comme sar avec sad. Sara al-jadda. C'est-à-dire qu'il va évoluer, il va marcher sur Al-Jadda, c'est sur la droiture. Al-Jadda al-Sahiha, sur la droiture, sur la voie de rectitude. Qawluhu, al-Mu'allif rahimahullah, il dit Faja'u bil-kufri iyanan la yakhfa. Ils ont ainsi apporté la mécréance. Al-Jahmiya, ils ont apporté la mécréance à travers de telles paroles. Kafaru billahi bisabab hadhihi al-maqalat al-shani'a fi haqq Allah jalla wa ala. Donc, ils ont mécru en Allah à cause de ces paroles-là qui sont shani'a. C'est des paroles, si tu veux, très mauvaises. Al-shana'a, al-basha'a, c'est des choses qui sont très laides à propos d'Allah. Ils ont dit des paroles qui sont extrêmement graves à propos d'Allah. قوله قول المؤلف رحمه الله فكفروا وكفروا الخلق. Ils ont ainsi mécru et rendu mécréants les autres. Voilà. كفروا, c'est eux, ils ont mécru. أما كفروا, c'est ils ont rendu les mécréants les autres. كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته. Ceux qui donnent, qui disent qu'Allah il est سميع, بصير, عليم, مستوٍ على عرشه, له العلو المطلق, علو القهر, علو القدر, etc. Ceux qui ont donné à Allah ses attributs, conformément à ce qui s'est donné dans le Coran, les noms qui s'est donné dans le Coran, la sunna authentique, etc., ils les ont rendus mécréants. Pourquoi ? Ils disent, attention à celui-là, il dit qu'Allah il a, il voit, qu'Allah il entend, qu'Allah il parle. Il fait ressembler Allah à la créature. Il fait ressembler Allah à la créature. Ils appellent Ahl al-Sunnah al-Jahmiyyah, ils appellent Ahl al-Sunnah al-Mujassima, ceux qui ont donné à Allah un corps. والتشبيه كفر. التشبيه كفر. Donc eux ils disent que si tu dis ça, c'est que tu fais ressembler Allah à sa créature, et le fait de faire ressembler Allah à sa créature, c'est de la mécréance. نقول لا. الشيخ يدي, الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يدي, لا. Ceci est faux. ليس هذا تشبيها. C'est pas parce qu'on dit qu'Allah il voit, qu'il entend, qu'il parle, qu'on le fait ressembler à sa créature. الله جل وعلا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو As-Sami'u al-Basir. Allah lui-même dans le Coran c'est ses paroles à lui, il a dit rien ne lui est équivalent ou rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, c'est-à-dire celui qui entend tout, le clairvoyant, c'est lui qui voit tout. Surat Shura, surat 42, verset 11. Nafa' an nafsihi at-tashbih wa athbata li nafsihi as-sam'a wal-basar. Ce verset-là, c'est la règle primordiale à prendre pour répondre à tous ceux qui n'ont pas la même conviction que Ahl Sunnah. Pourquoi ? Parce que le verset répond à toutes les fractions. Pourquoi ? نَفَعَ نَفْسِهِ التَّشْبِهِ. Allah il a dit لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٍ. Rien ne lui ressemble. Il a nié qu'il y a quoi que ce soit, quoi que ce soit que tu peux t'imaginer qui ressemblerait à Allah. Non, il n'y a rien qui ressemble à Allah. وَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ. Et à la fin du verset, il te dit qu'il voit, il entend et il voit. مَعَ أَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ موجودان في المخلوقين. Alors que on sait tous que la vision, que le caractère auditif, l'ouïe et la vision, ce sont deux choses qui sont existantes chez les créatures. فدل على انه لا يتشابه هذا مع هذا. Donc ça montre bien que puisque rien ne lui ressemble et que les créatures elles ont quand même l'ouïe et la vue, donc les créatures ne ressemblent pas à Allah. قوله المؤلف رحمه الله قال واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. Les choses se sont resserrées sur eux jusqu'à ce qu'ils arrivent à la négation totale des noms et attributs. التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى. التعطيل, c'est le fait de rejeter, de renier le créateur. لأن هذا يؤول إلى التعطيل. Car les phrases qu'ils ont dit le Jahmiya, il n'a pas le sam', il n'a pas le basar, il n'est pas dans l'alam, il n'est pas en dehors de l'alam, il n'est pas taht, il n'est pas fauq, il n'est pas, que des négations. Donc, ça engendre ya'oulu ila ta'til, ça donne comme résultat, hada ya'oulu ila ta'til, ça donne comme résultat, comme quoi, il est inexistant. Comme il a dit Cheikh avant, idan yakunu ma'douman, il est inexistant. Lienna, ya'oulu, c'est la suite, ça donne cela. La destination, c'est ça. قال لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة وأيضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت إذن لا يكون فيه إله يعبد فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل. Il dit donc, celui qui n'entend pas, لا يسمع ولا يبصر, il ne voit pas, ولا يتكلم, il ne parle pas, ليس له إرادة ولا مشيئة, il n'a pas de volonté, وأيضا ليس داخل العالم, il dit, il n'est pas dans l'univers, ولا خارج العالم, ni en dehors de l'univers, ولا فوق ولا تحت, ni au-dessus, ni en dessous, comme il a dit avant, ولا يمنى ولا يسرى, ni à droite, ni à gauche, donc, il n'y a pas de divinité qui doit être adorée. فآل بهم الأمر, فآل بهم الأمر, ça vient de يأول, d'accord, فآل بهم الأمر, c'est-à-dire que toutes ces phrases-là, toutes ces comment dire, toutes les phrases qu'ils ont dit, toute la conviction qu'ils ont étalée à travers leurs phrases-là, ça a engendré que ça a engendré qu'ils ont été obligés de dire que il n'y a pas de divinité qui est adorée. Non, mais le ta'wil. Là, voilà, c'est le kalamuhum ya'ulu ila hada. Puisque vous dites ça, c'est al-lawazim, ce qu'ils appellent l'ulama al-lawazim. Puisque tu dis ça, donc ça engendre ça. Naam. قال المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء منهم الامام احمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من اهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث لانه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. Certains savants ont dit, et parmi eux l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, que tout jahmite est un mécréant n'appartenant pas aux gens de la Qibla, et leur sang est licite, personne n'hérite d'eux et eux n'héritent de personne, car ils ont dit il n'y a pas de prière du vendredi, ni de prière en groupe, ni les prières des deux fêtes, ni d'aumône. Et ils ont dit également, celui qui ne déclare pas le Coran comme créé devient mécréant. الشرح قول العلماء الجهمي كافر ليس من أهل القبلة. Les savants, lorsqu'ils ont dit, et ça c'est ma'thur, un kathir min al-salaf, il y a beaucoup qui ont dit ça, al-jahmi, le jahmite, est un mécréant, ne fait pas partie des adeptes de la Qibla. Adepte de la Qibla, c'est-à-dire muslim. Il dit, الشيخ وفقه الله, أي كافر بمجموع مقالاته, c'est-à-dire tout ce qu'il dit. Al-Jahmi, quand il réunit toutes ces paroles-là, ça engendre qu'il sort de l'islam. لِأَنَّهُ عَطَّلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَشَدُّ الْكُفْرِ. Car il renie Allah, et ça c'est la plus grave des mécréances. مَقَالَتُهُمُ الْكُفْرِيَّةُ تُفْضِي إِلَى التَّعْطِيلِ. Donc leurs paroles de mécréance donnent comme résultat التَّعْطِيلِ. كَمَا قَالَ الشَّيْخُ وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. Comme l'a dit l'auteur, c'est la réprobation d'Allah سبحانه, la réprobation de l'existence d'Allah. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد. رد عليهم غير واحد, رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية. Donc il dit, nombre de savants ont répliqué sur les convictions de la secte de l'Jahmiyyah, parmi eux l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, dans son livre La réplique sur l'Jahmiyyah, qui est disponible au Muhaqqaq, et un autre livre qui est à titre d'exemple bien sûr, un livre Dakhm. C'est quoi Dakhm? Un gros livre, hein? Kitab Dakhm, c'est un gros livre. Bayan Talbis al-Jahmiyyah, la clarification à propos des Talbis al-Jahmiyyah, c'est-à-dire des confusions, ou comment ils ont apposé des confusions, la secte des Al-Jahmiyyah. قوله حلال الدم. Je répète la phrase d'avant. Al-Jahmiyyu kafir ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث. Certains savants ont dit que toute Jahmite est un mécréant, n'appartenant pas aux gens de la Qibla. Leur sang est licite, personne n'hérite d'eux, et eux n'héritent de personne. لأنه مرتد فهو حلال الدم. C'est un apostat, sorti de l'islam. Son sang est licite. لِأَنَّ الَّذِي يَعْصِمُ الدَّمَ هُوَ الْإِسْلَامِ. Ce qui rend le sang de la personne, sa personnalité, son honneur sacré, c'est l'islam. وَالْكَافِرُ حَلَالُ الدَّمِ. Le créant, son sang est licite. قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ. Car ils ont dit, il n'y a pas de prière du vendredi, ni de prière en groupe. أي لِأَنَّ الْجَهْمَ يُنْكِرُ صَلَاةَ الْجُمُعَةَ وَيُنْكِرُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةَ. الجهم بن صفوان ينكر صلاة الجمعة, il blâme, il réprimande ou il renie la prière du vendredi et la prière en groupe. وَإِنَّمَا تَكْفِي عِنْدَهُ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ. Pourquoi? Car il dit que ça suffit de reconnaître Allah. فَالْإِمَانُ عِنْدَهُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ. Chez lui, l'iman, c'est quoi? La croyance, la foi, c'est reconnaître. فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ صَارَ مُؤْمِنًا كَامِلَ الْإِيمَانِ. Lorsque la personne, l'être humain, reconnaît son Seigneur avec son cœur, reconnaît qu'Allah est son Seigneur, c'est un croyant qui a la foi complète. وَلَوْ لَمْ يُصَلِّي, même s'il ne fait pas la prière. وَلَوْ لَمْ يَصُمْ, même s'il ne jeûne pas. وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ أَيَّ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ, même s'il ne fait aucune adoration. قَوْلُهُ وَلَا عِيدَيْنِ وَلَا صَدَقَةٍ. Donc le Jahmi dit, il n'y a pas de prière de Jumu'ah, il n'y a pas de prière de Jama'a, et il dit ni les prières des deux fêtes, ni d'aumône. لِيَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ. Car sa conviction, c'est que les actes ne font pas partie de la foi. وَلَنْ نُطْقَ بِاللِّسَانِ وَلَعْتِقَادَ أَيْضًا. Il dit, il n'y a pas de conviction à avoir, il n'y a pas de parole à prononcer avec la langue ou d'actes à faire avec les membres. وَإِنَّمَا الْإِيمَانُ عِنْدَهُ مُجَرَّدُ الْمَعْرِفَةِ. Il dit, l'iman, c'est juste reconnaître son Seigneur. قَوْلُهُ وَقَالُوا مَنْ لَمْ يَقُلَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ. Ils ont dit également, celui qui ne déclare pas le Coran comme étant créé, devient mécréant. Ça c'est le Jahmiya. قالت الجهمية من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر. Ils ont dit, celui qui dit pas que le Coran il est créé, que c'est une créature d'Allah, il est mécréant. Alors que le Coran, ce sont les paroles d'Allah, ce n'est pas quelque chose de créé, c'est un de ses attributs. لأنه شبه الله بخلقه والتشبيه كفر. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحدوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. Ils ont permis de prendre les armes contre la communauté de Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et ils contredisent par cela ceux qui les ont précédés. Ils ont éprouvé les gens par une chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé, ni un parmi ses compagnons. Ils veulent par cela vider et détruire les mosquées et les lieux de rassemblement. Ils ont permis de prendre les armes contre la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont rendus licites le fait de tuer les musulmans qui ne sont pas en concordance avec eux dans la conviction. ولذلك لما تمكنوا في عهد المأمون ماذا صنعوا بالمسلمين. C'est pour ça que à l'époque, au début du 3e siècle de l'Égypte, quand ils ont tamakkanu, c'est-à-dire qu'ils avaient le dessus, ils avaient de l'autorité à l'époque de al-Khalif al-Abbasi al-Ma'mun, qu'est-ce qu'ils ont fait des musulmans? قتلوا من العلماء من قتلوا. Ils ont tué nombre de savants de la sunna qui disaient que le Coran n'est pas créé, etc. وعذبوا من عذبوا. Ils en ont torturé des autres. ليرغموهم على القول بمذهب الجهمية. Pour les forcer à dire que la parole de الجهمية. إرغام, c'est le fait de رغم نفسه, c'est contre son gré. حديث أبي ذر, quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit وإن رغم أنف أبي ذر, quand il lui a dit musulman il rentrera au paradis, il a tawhid ou kada, il lui a dit même s'il vole et il fait la fornication, il a dit même s'il vole et il fait la fornication, il a répété même s'il vole, la troisième fois il lui a dit même s'il vole il fait la fornication, wa in raghima anfu abi dhar, même si ça plaît pas si tu veux, même si c'est contre le gré de Abu Dhar, il veut pas, si tu veux, ça veut pas rentrer dans sa tête, ou il veut pas, il a de la difficulté à accepter cette chose là, ben ce sera quand même comme ça. Hada huwa al-irgham. Naam. Qawluhu wa khalafu man kana qablahum. Ils contredisent par cela ceux qui les ont précédés. من المسلمين فلم تظهر هذه المقالات إلا فيهم. خالفوا من كان قبلهم من المسلمين. Ils ont contredit ceux qui les ont précédés parmi les musulmans, car cette parole-là est apparue à l'époque de Al-Jahmiya et Mu'tazila l'ont pris derrière. قوله وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont éprouvé les gens par une chose dont le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas parlé. أرادوا أن يلزموا الناس بقولهم. Donc ils ont voulu forcer les gens, contraindre les gens à dire, à prononcer leurs paroles, le Coran est créé, etc. كما في عهد المأمون ومن جاء بعده. comme à l'époque de Ma'moun et des gouvernants qui sont venus par la suite. Lamma ajbara an-nasa 'ala al-qawli bi khalq al-Qur'an. Quand donc ils ont forcé les gens à dire que le Coran est créé. قوله وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. Ils veulent par cela vider et détruire les mosquées et les lieux de rassemblement. لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة ولو لم يعمل شيئا. Car chez eux, la foi, c'est juste tu reconnais ton Seigneur et c'est bon, t'as pas besoin d'œuvrer. ولو لم تتكلم بلسانه, t'as pas besoin de parler de d'agir. ولو لم يعتقد بقلبه, même s'il n'a pas la conviction dans son cœur. فإذا لا حاجة إلى المساجد والجوامع لأنها لا تجب الصلاة عندهم. Donc, il dit, il n'y a pas besoin de construire des mosquées, masajid, et le jawami', le masjid al-jami', c'est là où on fait le jumu'ah. Le jumu'ah, les cinq prières. Le masjid, c'est là où on fait les cinq prières. لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عِنْدَهُمْ. Car chez eux, prière n'est pas obligatoire. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثر وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة ولا والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. Ils ont affaibli l'islam, annulé le combat, le djihad, et ont agi dans le sectarisme. Ils ont divergé des récits et parlé sur la base de textes abrogés. Ils ont utilisé en tant que preuve des textes ambigus et ont fait douter les gens au sujet de leur religion. Ils ont controversé au sujet de leur Seigneur en disant « Il n'y a pas de châtiment dans la tombe, ni de bassin, ni d'intercession. Et le paradis et l'enfer n'ont pas été créés. » Ils ont rejeté énormément de ce qu'a dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout cela qui a permis à ceux qui les ont rendus mécréants de les déclarer ainsi et de rendre licite leur sang. Car quiconque rejette un verset du livre d'Allah a rejeté le livre d'Allah tout en entier. Et quiconque rejette un récit du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rejeté tous ses récits et devient mécréant en Allah le Tout-Puissant. الشرح قوله وأوهنوا الإسلام. Ils ont affaibli l'islam. أوهنوا الإسلام أي الجهمية أضعف الإسلام. Donc le وهن, c'est le ضعف. Comme c'est venu dans un hadith, le وهن. يقذف في قلوبكم الوهن. قوله وعطلوا الجهاد. Ils ont annulé le combat. Ils ont annulé, donc il c'est le jahmiya toujours. عطلوا الجهاد في سبيل الله لأنهم لا يرون تكفير الكفار. Donc ils ont fait en sorte qu'il n'y a pas de jihad dans le sentier d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah, car ils déclarent les mécréants non mécréants. لأنهم يعرفون الله. Pourquoi? Car ils reconnaissent leur Seigneur. ومعناه أن فرعون مسلم. Donc ça, ça engendre que Pharaon, c'est un musulman. لأنه يعرف الله بقلبه. Car, comme Allah l'a cité dans le Coran, Pharaon, il reconnaît l'existence d'Allah. قال تعالى, قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. Titre d'exemple, dans surat l'Isra, surat 17, dans le khitab, qu'il a avec Moussa alayhi salam. Moussa, il dit, Moussa alayhi salam, tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. وقال فهو يعرف الله بقلبه. Donc Pharaon reconnaissait son Seigneur avec son cœur. والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الله بقلوبهم بل يعبدونه بأنواع من العبادات. Il dit les associateurs à l'époque du prophète عليه السلام, ils reconnaissaient Allah. Ils disaient pas qu'Allah il n'existe pas. Ils reconnaissaient Allah avec leur cœur. Même plus que ça, ils faisaient même des adorations. فهم يعتقدون أن الله سبحانه هو الرب وأنه يستحق العبادة. Ils reconnaissaient qu'Allah c'est le Seigneur de l'univers et qu'il mérite l'adoration. ولكنهم أشركوا معه غيره. Mais ils lui ont donné des associés. بزعمهم أن هذا الغير يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. Donc il dit, ils lui ont donné des associés prétendant que cet associé ou ces associés-là les rapprochent, leur fonction, c'est le fait de les rapprocher, de rapprocher d'Allah. Hmm? C'est autre. Autre. Non, mais. Abadou ghayr Allah et le ghayr hada, cet autre qu'Allah, ils ont dit, c'est juste un moyen pour se rapprocher d'Allah. Qawluhu wa fiqh. Wa khalafu al-athar. Ils ont divergé des récits. Ils ont divergé des récits. Ils se sont écartés des récits. Ils khalafu al-adilla wa sunnah. Ils se sont écartés de adilla wa sunnata. Khalafu al-adilla wa sunnata. Pas sunnati. J'ai une faute de frappe. خالفوا الأدلة والسنة. Ils ont الجهمية, ils ont pas été conformes aux preuves et à la sunna du messager. قوله وتكلموا بالمنسوخ. Ils ont utilisé en tant que preuve des textes ambigus. Donc ils ont utilisé en tant que preuve des textes qui sont ambigus. أبروجنا. يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعلمون ولا يعملون بالناسخ. Donc ils ont utilisé des textes qui ont été abrogés. Abrogés, c'est-à-dire c'est plus en vigueur. Il y a d'autres textes qui sont venus pour donner une nouvelle loi. Ils n'appliquent pas, ils n'utilisent pas la nouvelle loi en vigueur, les nouveaux textes qui ont été révélés. Pour égarer les autres. كما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Sourate Ali Imran, ayat 7. Dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 7, Allah dit dans le sens: ceux qui ont un penchant vers la déviation, vers l'égarement, vers la perdition, ils suivent les textes qui sont équivoques. ومن المتشابه المنسوخ rentre dans cette catégorie, les textes équivoques, les versets ou les textes qui ont été abrogés. Les textes qui sont existants, qui sont authentiques, mais qu'on ne met pas en application maintenant, car ils ont été abrogés. لأنه لا بد أن الإنسان يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق. Donc il n'y a pas de shadda sur le lam. Il y a un soukoun sur le ta. Donc wal mutlaq wal muqayyid wal muqayyad wal khas wal am ya'rifu 'ulum al istidlal. Il dit la personne doit connaître les textes qu'ils ont abrogés, d'autres. Des textes qui ont été spécifiés par d'autres. Il y a des textes qui sont généraux et des textes qui sont spécifiques. Il y a des textes qui sont absolus. Ils sont à l'absolu, à prendre à l'absolu. D'autres, non. Il y a des textes qui sont qui abrogent et il y en a qui sont abrogés, etc. Ya'rifu 'ulum al-istidlal. Tout ça, c'est une science. C'est pas donné à tout le monde. La yastadillu bi'ayyi nassin wajadahu duna an yara hal huwa mansukh aw annahu mukhassas aw muqayyad la yanzuruna ila hadha li ajli az-zayr. Donc il dit, tu prends pas n'importe quel texte et tu le poses n'importe où. Tu prends pas n'importe quel texte et tu le poses n'importe où. Il faut voir si le texte il est général, ou il est à prendre, il y a un autre texte qui est venu spécifié, ou si le texte il est à l'absolu, ou si le texte il a été abrogé, etc. Pour. Et ajlizir, c'est pour égarer les autres. C'est pour faire dévier les autres, faire égarer les autres. لأجلي, c'est-à-dire pour. ولأجلي إضلال الناس. ويقولون نحن نستدل بالقرآن. Ensuite, ils leur disent, nous, yani on a jugé telle chose comme ça, mais on a pris quoi comme preuve? Le Coran. وهم ما استدلوا بالقرآن. Alors qu'en vérité, ils n'ont pas pris le Coran. القرآن يستدل به من أخذه جميعا. Le Coran l'utilisera celui qui a pris tout le Coran, prend pas une partie seulement. Amma man akhadha ba'dahu wa taraka al-ba'd al-akhar fa hadha kafirun bihi. Celui qui prend une partie du Coran et il délaisse une autre partie, il a pas cru au Coran. Au contraire, il a mécru. Qala ta'ala fa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah dit dans le Coran, sourate 2 verset 85, est-ce que vous croyez à une partie du livre du Coran et vous mécroyez à une autre partie? Fa alladhi la yajma'u bayna al-muhkami والمتشابه هذا يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه. Celui qui ne réunit pas tous les textes, il prend les textes qui sont clairs, les textes qui sont équivoques, et de là il tire une conclusion. Celui-là, il a pris une partie du livre et il a délaissé une partie du livre. ولذلك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل قالوا كل يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. الله يدي على la fin du verset dans Ali Imran, il dit والراسخون في العلم, les gens qui sont ancrés dans le savoir, ils disent tout provient de notre Seigneur. كل من عند ربنا, ils disent on croit à tout car tout provient de notre Seigneur. كل, c'est-à-dire les textes qui sont clairs et les textes qui sont équivoques. فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه. Donc, ils renvoient les textes qui sont équivoques vers les textes qui sont clairs, qui n'ont pas d'interprétation diverse, et ils expliquent celui-ci par celui-là. لكن هذا يحتاج إلى عالم. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça demande quelqu'un qui est ancré dans son savoir. لا يجوز أن يدخل فيه متعالم أو زائر يريد التضليل. C'est pas un domaine où toute personne elle peut rentrer dedans. Quelqu'un qui n'a pas le niveau et qui va s'adonner à ces choses-là. أو زائر, quelqu'un qui veut faire dévier les autres. فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين. Une des deux personnes, elle va prendre les textes qui sont équivoques. إما زائر يريد التضليل. Soit quelqu'un qui est déviant et qui veut faire dévier les autres. مثل الجهمية, comme sujet du moment, c'est الجهمية. ولهذا قال فيهم الإمام أحمد يستدلون بالمتشابه من القرآن. الإمام أحمد رحمه الله dit, ce sont des gens qui utilisent les textes qui sont équivoques dans le Coran. وإما متعالم لا يدري ويقول على الله بغير علم. Ou alors, deuxième catégorie de gens, c'est quelqu'un qui est ignorant et qui s'adonne. Il y a quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas et qui s'adonne à parler sur Allah à tort et à travers. قوله واحتج بالمتشابه. Ils ont argumenté avec les textes équivoques. Ça, ils ont utilisé en tant que preuve des textes ambigus. Vous l'avez trompé tout à l'heure. Non. Ouais, je me suis trompé de ligne tout à l'heure. Ils ont parlé sur la base de textes abrogés. ولذلك رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية. الإمام أحمد رحمه الله répliqué sur eux dans son livre la réplique sur les جهمية. جاء على النصوص التي استدلوا بها وأبطل رأيهم فيها. Donc il a ramené les textes qu'ils utilisent. Il a montré que leur opinion, leur conclusion, elle est أبطل رأيهم. Il a montré que leur opinion, elle est باطلة, elle est fausse. وبين الوجه الصحيح فيها. Il a expliqué ces textes conformément. وجمع بين الآيات وبين الأحاديث. Il a réuni les versets et les hadiths. قوله فشكك الناس في أديانهم. Ils ont fait douter les gens au sujet de leur religion. فلا شك أن هذا بلبلة للأفكار. Il dit, y a pas de doute que ceci est une بلبلة, c'est-à-dire que tu troubles les gens. البلبلة, c'est un trouble. للأفكار, tu troubles les convictions des gens, la pensée des gens, le raisonnement des gens. فلا يجوز أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما العقائد إلا من هو راسخ في العلم. Ne peut se permettre de parler dans ce domaine-là, qui est la science religieuse, et surtout le domaine de la foi et de la croyance, que quelqu'un qui est enraciné dans le domaine. لا يجوز أن يتكلم فيها أنصاف المتعلمين أو المتعالمين فضلا عن أهل الزيغ والضلال. Il dit, n'a pas le droit de s'exprimer dans ce domaine. Ansaf al-Muta'allimin. Ce sont. C'est quoi Ansaf? Al-Munsif, c'est quoi Al-Munsif? C'est pas ce qu'un débuté dans l'ilm. Là. Là, Al-Munsif, c'est quelqu'un de juste, si tu veux. Quelqu'un qui est connaisseur, mais c'est seulement quelqu'un qui est en train de s'instruire. Il est en train de s'instruire. C'est-à-dire ça, c'est pas une mauvaise catégorie. Ansaf al-Muta'allimin. Contrairement à Aw al-Muta'allimin. Muta'allimin, c'est quelqu'un qui est ignorant mais qui parle. Amma hadha muta'allim, c'est-à-dire il est en train de s'instruire, mais il n'a pas atteint encore l'échelle, si tu veux, de pouvoir parler dans ce domaine. Fadlan an ahli az-zayr wad-dalal. Donc, si des gens qui s'adonnent à ce sujet-là, ils sont en train de s'instruire sur la droiture, ils n'ont pas le droit de parler. Les gens qui parlent alors qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le droit de parler, il dit, ne parlons pas des gens qui sont, si tu veux, de racines et de base, ils sont déjà égarés et perdus. قوله واختصموا في ربهم. Ils ont controversé au sujet de leur Seigneur. أحدثوا الجدل. Se sont mis à parler à tort et à travers, débattre, discuter, polémiquer. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Allah dit dans le Coran, Surat Ghafir, Surat numéro 40, au début de la Surat, le verset numéro 4. Seuls ceux qui ont mécru discutent des versets d'Allah, discutent bima'na al-jadal, discutent à tort et à travers. Que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Al-mu'minu la yujadilu fi ayatillah. Le croyant, il ne parle pas à tort et à travers sur les versets d'Allah. بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله. Contraire, il accepte cela et il a la ferme conviction que ce sont bel et bien les paroles d'Allah. وأنها خير وهدى. Que ce sont des paroles, que ce sont des bonnes paroles et qu'elles contiennent la guidée. أما الذي يتوقف فيها ويتشكك فهذا مجادل في كلام الله عز وجل. Celui qui s'arrête et qui a des doutes ou qui laisse le doute s'introduire ou qui se laisse douter, هذا مجادل. C'est quelqu'un qui discute à tort et à travers. Et qui débat tort et à travers sur les paroles d'Allah. قوله وقالوا ليس هناك عذاب قبر. Les Jahmiyyah disent il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Les Jahmiyyah disent qu'il n'y a pas de châtiment dans la tombe. هذا متوافق مع مذهبهم لأن عندهم من عرف الله فهو مؤمن. Ça c'est متوافق من الموافقة. C'est totalement concordant avec leur voix, leur idéologie. Car pour eux, celui qui reconnaît Allah, il est croyant. ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمر. Il n'y a pas besoin de faire la prière, le jeûne, ou bien le grand pèlerinage, ou bien le petit pèlerinage. لا يؤدي الأعمال. وبناء على ذلك ليس هناك عذاب قبر. Donc, il n'y a pas besoin d'œuvrer. Donc, eux, ils disent, il n'y a pas de châtiment dans la tombe. لأن الناس كلهم يعرفون الله. Car tout le monde reconnaît Allah. وليس هناك معصية وطاعة. فالذين في القبور كلهم يعرفون الله. إذن لا يعذبون. Donc, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'obéissance. Ceux qui sont dans leur tombe sont tous, ils reconnaissent tous Allah, donc ils ne sont pas châtiés. Ça c'est Aqidat al-Jahmiyyah. قوله ولا حوض ولا شفاعة. Il dit également, il n'y a ni bassin, ni intercession. كل أمور الغيب أنكروها. Tout ce qui est du domaine, de l'invisible, ماضي أو مستقبل, أو حاضر الآن, لكن لا نراه, أنكروه. Ils ont réprouvé cela, renié. لأنهم يعتمدون على عقولهم فقط. Car pour eux, ce qui tranche, c'est la raison. Si la raison elle accepte une chose, c'est bon. Si la raison elle refuse une chose, c'est pas bon. قوله والجنة والنار لم يخلقا. Elles disent également ni le paradis ni l'enfer n'ont été créés. أي قال الجهمية الجنة والنار لم يخلقا الآن. لم يخلقا الآن. Ils disent donc الجهمية que l'enfer et le paradis au moment où on parle, au moment où ils parlaient, ça n'existe pas. مع أن الله أخبر أنهما مخلوقتان الآن. Alors qu'Allah nous a informé dans le Coran que l'enfer et le paradis au moment où on parle, ils sont déjà existants. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين. Allah il a dit à propos du paradis qu'il a été préparé أعدت للمتقين pour les pieux. Surat 3 verset 133. وأعدت هذا يدل على أنها معدة وموجودة. أعدت, comment la formulation elle est faite? Ça montre que c'est déjà existant, déjà préparé, déjà existant. وَقَالَ فِي النَّارِ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Il a dit à propos de l'enfer, elle a été préparée pour les kafirines, pour les kuffars, les mécréants. Surat 3, verset 131. وَأَيْضًا الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ أَخْبَرَ أَنَّ شِدَّةَ الْحَرْ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَوْجُودًا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a informé que la canicule fait partie du فيح جهنم, si tu veux, c'est la chaleur de l'enfer. دل على أنها موجودة. Ça montre le hadith في البلوغ. Oui, في البخاري aussi. Celui qui, si tu veux voir le terme exact. دل على أنها موجودة. Ça montre que l'enfer موجود. Il est déjà existant. وكذلك النار لها نفسان. النار, elle a deux souffles. نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر. Donc, l'enfer a deux souffles. Si tu veux, il se repose deux fois. Le nafasun fi shita, en hiver, elle souffle, et c'est ce que vous ressentez, le froid, qui touche la terre, hein, Zamharir Hada qu'on voit, la neige et le froid glacial, c'est un soufflement de l'enfer. Quand la chaleur est extrême, la canicule, c'est un soufflement également de l'enfer en été. Le prophète il a dit que la canicule, c'est un soufflement de l'enfer. Ça vient de la grande chaleur de l'enfer. قوله وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ils ont rejeté énormément de ce qu'a dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. أنكروا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة لأنه يخالف رأيهم ومعتقدهم. Ils ont réprouvé beaucoup de choses qui sont citées dans le Coran et dans la Sunna, tout simplement parce que c'est pas conforme avec leur opinion, c'est pas conforme avec leur conviction. قوله فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. C'est tout cela qui a permis à ceux qui les ont considérés mécréants de les déclarer ainsi et de rendre licite leur sang. من كفرهم من أهل من أهل من كفرهم من أهل السنة والجماعة فإنه كفرهم لمجموع هذه المقالات الخبيثة لأنها تنتهي إلى أنه ليس هناك دين. Donc, si tu réunis toutes ces paroles-là qui ont précédé et bien d'autres que Cheikh n'a pas cité, ça engendre que l'ulama, les savants, les ont déclarés mécréants. Car leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de ma'boud, etc. قوله لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. Car quiconque rejette un verset du livre d'Allah a rejeté le livre d'Allah en entier. كما سبق, comme on a dit avant, أنه من استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي يتعلق به فقد آمن ببعض الكتاب وترك بعضه. Car celui qui croit en une partie du livre et rejette une partie du livre, celui qui utilise comme preuve une partie du Coran et délaisse l'autre partie qui se rattache au même sujet, il a cru en une partie du livre et il a délaissé une partie, une autre partie. فالذي يستدل بالمتشابه ويترك المحكم هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. Celui qui prend comme preuve les textes qui sont équivoques et délaisse les textes qui sont tranchants et clairs, celui-là a cru en une partie du livre et a mécru en une autre partie. قوله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. Et quiconque rejette un récit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rejeté tous ses récits. كذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه. فمن أخذ المتشابه من السنة وترك المحكم فقد رد السنة كلها. C'est la même règle pour la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est dans la sunna, il y a des textes qui sont clairs et des textes qui sont équivoques. Celui qui prend les textes équivoques de la sunna et délaisse les textes qui sont clairs aura rejeté la sunna tout entière. قوله وهو كافر بالله العظيم. Donc celui-là devient mécréant en Allah le Tout-Puissant. قال هذه هي النتيجة والعياذ بالله. Après toutes ces catastrophes, c'est ça النتيجة, c'est ça le résultat. لأن الذي يؤمن بالله يقول آمنا به كل من عند ربنا. Celui qui croit en Allah dit toutes ces paroles-là qui sont dans le Coran, elles proviennent d'Allah, on y croit. أما صاحب الزيغ فإنه يأخذ المتشابه لأنه يصلح له. Celui qui a penchant vers la déviation, il prend ce qui est équivoque parce que le reste, ça ne l'arrange pas. Le reste, ça ne va pas avec sa conviction, ça ne l'arrange pas du tout, donc il le laisse. Ça, on a vu ça dans Kun Salafiyan, dans Alamat Ahl al-Bida', Alamat Ahl al-Bida', le chapitre qu'il a fait Cheikh, Alamat Ahl al-Bida', il a cité ça, que ça, c'est la voie des gens de l'innovation. Quoi? Ils prennent ce qui les arrange des textes du Coran et de la Sunna, et ce qui les arrange pas, ils les laissent aux oubliettes. Donc c'est pas seulement Al-Jahmiya qui est comme ça. Walakinna masdaraha min Al-Jahmiya. Mais il dit, si tu veux, cette source, cette idéologie ou cette manière d'agir, elle provient d'où? Elle provient de Al-Jahmiya. Lakinna ahl al-ahwa'i jami'an fi ayyi waqtin hadhihi tariqatuhum. Tous les innovateurs, sans exception, n'importe quelle époque, c'est comme ça qu'ils agissent. Ya'khuduna min al-adilla ma yuwafiqu raghbatahum. Ils prennent ce qui les intéresse. Wa yatrukuna ma yukhalifu raghbatahum. Ils délaissent ce qui ne les intéresse pas. Huma, avec cette phrase-là, de dire que al-ma'rifa takfi, reconnaître Allah, ça suffit, ça engendre toutes ces choses-là. Ça engendre qu'il n'y a pas de kuffar. Il y en a même les kuffar, ils reconnaissent avec la, comment dire, avec la bonne nature de l'être humain, ils reconnaissent qu'il y a un Seigneur. Kuffar eux-mêmes, quand il y a un doux ishkal, quand il est dans une situation de grande difficulté, il se tourne vers le ciel et il dit mon Dieu. Il dit mon Dieu, il ne dit pas mes dieux, il ne dit pas au pluriel, il dit, il se tourne vers le ciel. Donc il a une bonne, bonne nature. Tu vois? Même Pharaon, les savants disent, même Pharaon, il a dit Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadiba. Il a dit à Haman, construis-moi une échelle, je vais monter voir le Seigneur de Moussa alayhi salam. Mais je pense que, je veux atteindre les cieux pour voir le Seigneur de Moussa alayhi salam, mais je pense qu'il ment. Je pense qu'il ment. Donc, Pharaon, quand il a cherché son Seigneur, il n'est pas allé chercher à droite ou à gauche ou là en bas. Il a demandé une échelle pour monter. Tu vois? Donc, ça montre que même Hadurous al-Kufr, Pharaon, qui est une tête de mécréance, un tarout, un grand tarout, malgré ça, il reconnaît son Seigneur et reconnaît Kada. Donc, avec leur phrase que le fait de reconnaître le Seigneur, tu as des preuves dans le Coran comme quoi Pharaon lui-même, qui est une tête de Kufr, qui n'est pas seulement un mécréant, mais qui est une tête de mécréance, il reconnaît Allah. Donc, s'il reconnaît Allah, donc pour eux, c'est un musulman. Donc, le musulman, il n'est pas châtié, etc. Tout ça, c'est des conséquences de leur phrase. Non. Ils disent celui qui dit que le Coran n'est pas créé est un kafir. Eux disent ça. Oui. C'est-à-dire que s'il est kafir, c'est-à-dire qu'il y a un châtiment de la chambre. Non, mais c'est une bonne. Comment dire? Une bonne controverse, à cas. Si tu veux, cette phrase-là, qu'il n'y a pas de kafir, etc., c'est une conclusion. Eux, ils vont pas le dire comme ça. Tu vois? Mais, conclusion de ce que eux ils disent, billawazim. Allawazim, en prenant leur phrase à eux, en prenant leur conviction à eux, donc, de là, tu trouves les failles. Tu vois? Et les failles, ça engendre ça, ça engendre ça, ça engendre ça, ça engendre ça. Mm-hmm. Tu vois? Bad. Al-Jahmiya, fima adhun, inqaradu. Kain ba'd al-firaq, certaines sectes, qu'ils ont disparu. Mais, c'est pas tous. Cheikh Ibn Uthaymin, dans Kitab al-Ilm, a été interrogé. Quelqu'un lui a dit, pourquoi vous étudiez la conviction de Al-Jahmiya, de Al-Mu'tazila, de Kada, alors que ce sont des sectes qui n'existent plus. Le Cheikh a répondu, il a dit que ces convictions-là, leurs convictions, elles sont encore existantes. Et il a dit, à la fin de la réponse, il a dit, la phrase du questionneur, ces sectes n'existent plus, c'est ce que lui, il pense. Or, c'est faux. Ils disent qu'ils existent encore. Donc, il y a des firqs, il y a des sectes qui ont disparu, mais leurs idéologies, elles sont encore existantes. C'est pour ça que les ulama, ils te montrent, et Annie, d'où cette conviction, elle sort. Cette conviction-là, elle est apparue dans l'islam. D'où elle vient et quelle Jahmiya, elles sont apparues au début du 3e siècle ou à la fin du 2e siècle. Est-ce qu'on origine Ça, on a vu la dernière fois. C'est Al-Jahmi ibn Safwan qui l'a pris de Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham qui a été assassiné par Khalid al-Qasri. Khalid al-Qasri, c'était celui qui avait l'Imara, qui était khalifa en Irak. Il a fait ça le jour de l'Aïd. Il a assassiné Al-Ja'd ibn Dirham pour cette parole-là. Il a dit que Ibrahim, c'est pas l'ami intime d'Allah, conformément au Coran. Alors que c'est Allah qui dit le Coran, le contraire. Et il dit, Moussa, c'est pas Kalim Allah. Moussa n'a pas parlé à Allah sans intermédiaire. Or, le Coran, il nous informe de cela. Il a dit, Taqabbalallahu dahayakum. Qu'Allah accepte vos immolations. Les gens vont les gorger des vaches ou des moutons. Il a dit, Fa'inni mudahin bil ja'd ibn dirham. Il a dit, moi je vais exécuter, l'exterminer. Al-Ja'd ibn dirham. Fa'innahu za'ama kada wa kada. Il a prétendu ceci et cela. Et il l'a tué. Et on a vu la dernière fois la chaîne qui remonte jusqu'à l'Abid ibn al-A'asam al-Yahoudi, le Médinois qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La conviction ensorcelé. Ça vient de lui. Si tu veux, la chaîne elle est très mauvaise. Donc le cheikh nous disait que ça vient des juifs. Donc c'est tout à fait normal que la conviction elle soit aussi lointaine si elle provient des Yahoud, si elle provient des juifs. Non. On fait encore un passage, vous voulez s'arrête là. Donc, bad. Fawait le Cheikh Ahmed. Il dit Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, dans son charh. Il dit نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة تكفير الجهمية. L'auteur cite ici que les Jahmiyyah ce sont des mécréants. وأنهم ليسوا من أهل القبلة. Il dit que ce ne sont pas des musulmans. وأنهم حلال الدم بأقوالهم الفظيعة. Et que leur sang est licite à cause de leurs paroles monstrueuses. التي خالفوا بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ils sont en totale divergence avec le Coran et la Sunna. وقد جمع الجهمية كل شر. Les Jahmiyyah ont réuni tout le mal. فأنكروا صفات الله. Donc là, il va citer plein de choses. Il dit فأنكروا صفات الله. Ils ont réprouvé les attributs d'Allah. وأنكروا أسماءه. Ils ont réprouvé ses noms. وجعلوا معبودهم بمنزلة الجماد الذي لا يتكلم. Leur adoré, qui est Allah, ils l'ont caractérisé comme ce qu'on a vu avant, Jamad, solide, il parle pas, il n'entend pas, il voit pas, il n'est pas dedans, il n'est pas, etc. Wala yasma' wala yubsir, il n'entend pas, il ne voit pas. Wa qalu inna al-Qur'ana makhluq, ils ont dit, ça c'est tout ça, c'est tawam qu'ils ont, catastrophe qu'ils ont. Ils ont dit, le Qur'an est créé. Wa qalu inna Allah la yura fil akhirah, ils ont dit, Allah ne sera pas vu dans la vie dernière. Wa ankaru al-qadr, ils ont réprouvé le destin. Wa za'amu anna al-jannata wa an-nar laysat makhluqatan. Al-an. Ils ont dit que l'enfer et le paradis ne sont pas créés maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont, à leur époque, à notre époque, ils sont inexistants. Wa ankaru as-sunnah. Ils ont réprouvé la sunna. Wa istahallu dima al-muslimin. Ils se sont rendus licites le sang des musulmans. Wa ankaru al-hawd. Ils ont dit il n'y a pas de bassin. Wa shafa'a. Il n'y a pas d'intercession. Wa ankaru adhab al-qabr. Ils ont dit il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Wa istadhallu awliya Allah bi darbihim li juludihim. Ils ont humilié les alliés d'Allah. وسجنهم وسجنهم بضربهم لجلودهم ils ont voilà fouetté frappé et tout ça وسجنهم لهم ils les ont mis en prison il y a ذلك من الامور التي يكفي بعضها في تكفيرهم الشيخ il y a beaucoup d'autres choses une partie de ça ça suffit pour les rendre mécréants فكان هذا هو السبب c'était la cause بل قالوا اشد من ذلك ils ont dit plus grave que ça فانكروا ان الله فوق عرشه بائن من خلقه ils ont réprouvé que Allah il est au-dessus du trône et qu'il est distinct de ses créatures. وزعموا أن الله مختلط بخلقه أو حال فيهم. Ils ont dit que Allah il se mélange à ses créatures ou bien qu'il réincarne. حال فيهم, c'est-à-dire qu'il se dissout dans les créatures. فقد أثر أن الجهم بن صفوان لقي قوما من الدهرية. الجهم ابن صفوان, il est rapporté que il a rencontré des gens de الدهرية, ceux qui disent que c'est le temps qui va nous la vie c'est le temps et après c'est tout, il y a plus rien. فشككوه في ربه. Ils lui ont mis des doutes sur sa conviction, sur l'existence de son Seigneur. فجلس 40 يوما شاكا لم الذي يظهر لم يصلي او لم يصل ما ادري. Il dit il s'est mis 40 jours à réfléchir, de restant dans son doute. ثم بعد ذلك خرج وزعم انه وجد الحقيقه. Ensuite après cette durée là, il est sorti, il leur a dit c'est bon, j'ai trouvé. وان الاله هو الهواء الطلق. Il dit la divinité c'est الهواء الطلق, c'est l'air, l'oxygène. وهو كل مخلوق يرى الى دي toute créature que vous voyez c'est ça le seigneur il a révélé ذلك من الكفريات التي لا حصر لها d'autres paroles de mécréance qu'on ne peut pas compiler وقد انطلى مذهب المعتزله على المأمون بواسطه احمد بن ابي دؤاد il dit et cette idéologie là et celle de المعتزله est arrivée et c'est انطلى على المأمون c'est-à-dire que elle a atteint Elle s'est introduite chez le Ma'moun, donc le premier gouvernant, à travers l'intermédiaire de Ahmed ibn Abi Duad. Ahmed ibn Abi Duad qui était son ministre, son consultant. فحمله وأشار عليه بأن بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن. Ahmed ibn Abi Duad, il a dit à Ma'moun, il lui a dit, maintenant c'est le moment, tu dois forcer les savants à dire que le Coran est créé. فوقعت فتنة لا حصر لها ثبت فيها أحمد بن حنبل. Donc, la discorde s'est propagée et est resté ferme, Imam Ahmed. فضرب حتى أغمي عليه وانخلعت يده وبقي في السجن ما يقارب سنتين. Donc, il dit, il a été frappé jusqu'à perdre connaissance et il a été emprisonné environ 2 années. ومنع من التحديث. On lui a interdit de parler de religion. فضرب حتى أغمي عليه وانخلعت يده وبقي في السجن ما يقارب سنتين. خلعت يده. خلعت يده. Si tu veux, c'est que ça, comment dire, comme ce qu'il avait cité Cheikh Saad fait Imam Malik fait l'Hukam. Il a été blessé, si tu veux, gravement là, au bras. ومنع وبقي هذه الفتنة وبقيت هذه الفتنة زمن ثلاثة من الخلفاء هم المأمون والمعتصم والواثق. Donc cette discorde a duré des années et des années. Le califat de l'Ma'moun, ensuite qui est décédé, puis le Mu'tasim qui est décédé, et le Wathiq, le troisième. فلما تولى الخلافة المتوكل على الله أطلق صلاح السجناء. Le quatrième calife, il a fait sortir les gens de prison في مثل هذه البدعة, à cause de cette innovation. وأكرم الإمام أحمد إكراما كثيرا جدا. Il a honoré l'imam Ahmed رحمه الله تعالى وأكرم أهل السنة فانقمع الباطل وظهرت السنة ووجد أهلها متنفسا والحمد لله رب العالمين. Il dit donc, l'innovation a disparu, la sunna a réapparu et les gens ont pu souffler. وبسبب هذا فقد سلبت منهم السلطة. Donc ils ont perdu l'autorité, Mu'tazila, etc. يعني بني العباس فكان الخليفة يوضع اسما ولا يستطيع أن ينفذ شيئا وهذا تسليط من الله على الأمة والعقوبة تعم وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. هذه في العراق كلها ستون العراق. نعم. صارت لا إن شاء الله. continuera la semaine prochaine. جاهم. إيه لم يصلي في سكي أفقد الكونتكست. هذا والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.